Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Pensez la construction européenne, car l'Europe n'est pas uniquement un marché commun, une construction économique qui servirait les intérêts des uns, parfois des intérêts qui s'opposent à ceux des autres. Non, l'Europe, c'est aussi un vécu, une construction intellectuelle portée par ceux, par celles qui ont pensé l'Europe. C'est le cas de l'Espagnol José Ortega y Gasset, philosophe intellectuel, intellectuel au sens où ce penseur s'engage dans les débats de la société. Dans ces débats, il y a l'Europe. L'Europe n'aura pas de rémission si son destin n'est pas confié aux mains de gens vraiment contemporains, qui sentent palpiter tout le sous-sol historique, qui connaissent la hauteur présente de la vie et repoussent tout geste archaïque et barbare. Nous avons besoin de l'histoire entière afin de voir si nous pouvons parvenir à nous échapper d'elle, à ne pas retomber en elle. La révolte des masses, c'est cet extrait que Raphaël Laloum a lu dans le cours de l'histoire, un texte de José Ortega y Gasset de 1929. Bonjour Béatrice Fonck. Bonjour. Vous publiez José Ortega y Gasset, Penseur de l'Europe, publié aux Belles Lettres. Dites-nous pourquoi ce sous-titre Penseur de l'Europe, parce qu'avec un personnage comme ça, il y avait d'autres sous-titres possibles. Pourquoi l'Europe? Bien d'abord, merci de me recevoir. Et merci aussi de penser, quand on parle de l'Europe, d'abord à Ortega y Gasset, car je crois que effectivement c'est une excellente idée parce que on est enfin hors des sentiers battus parce que j'ai appris hier grâce à vos collaboratrices que il y a maintenant 40 ans, la fille d'Ortega y Gasset était assise à ma place pour parler de son père, et donc je trouve que cette date 40 ans on dit aussi traverser du désert, peut-être. 40 ans, c'est donc un retour en retour de notre penseur dans le climat intellectuel français. Donc merci de m'avoir convoqué aujourd'hui pour parler de ce livre, Le Penseur de l'Europe, et précisément cette façon d'aborder le sujet par mes travaux est une façon de créer chez l'intellectualité française un intérêt, de sortir effectivement des idées reçues pour découvrir qu'en Espagne, il y a véritablement une pensée européenne qui est née précisément avec l'œuvre d'Ortega. Et ce matin, en écoutant vos collaborateurs dans leurs émissions, il y a un chiffre qui est quand même, par rapport aux chiffres français, très révélateur, car on dit que, dans l'opinion espagnole d'aujourd'hui, à la veille des élections européennes, 84% des Espagnols sont pro-européens. Je n'ai pas le chiffre exact de l'opinion française, mais je ne crois pas qu'elle atteint ces hauteurs. Oui, les Espagnols sont avec un sentiment européen. Là, dans ce que vous venez de nous dire, Béatrice Fonck, moi j'aime beaucoup l'idée de remettre en avant une figure, un penseur qui a marqué son temps, parce qu'avec José Ortega y Gasset, on est sur la première moitié du XXe siècle. Vous avez évoqué un peu traversée du désert. Est-ce qu'on peut l'expliquer tout de suite? Pourquoi? Eh bien justement, c'est ce que je vais faire. Allez-y. Et je vais faire justement à partir du fait que, pour rappeler que 2023 est une année Ortega en France. Parce que le même jour sont sortis trois ouvrages issus de grandes maisons d'édition. Je veux dire les Belles Lettres pour mon ouvrage et une traduction de l'Espagne invertébrée, un livre très sulfureux par son titre et par son contenu, qui est lui-même traduit par François Géal et préfacé par Benoît Pellistrandi, un spécialiste de l'Espagne contemporaine. Et puis, aux éditions Bartilla, une traduction de Méditation de l'Europe. Une traduction faite par un grand hispaniste récemment disparu et qui a mis dans cette traduction toute sa connaissance de l'Espagne du siècle d'or et qui l'a préfacé merveilleusement. Donc voilà une année Ortega en France, 2023. J'espère qu'elle va se poursuivre en 2024. En tout cas, on commence par l'année de l'Espagne. Donc voilà une raison qui fait que Penseur de l'Europe est sorti cette année et qui trouve sa place dans le débat qui nous intéresse. Mais pourquoi oublier, oui. Pourquoi oublier? Pourquoi si longtemps mis de côté Ortega y Gasset? Alors, vous allez voir, j'y viens. Parce que je rappelle que ce n'est pas uniquement en France qu'on s'occupe d'Ortega, mais bien sûr en Espagne, et que c'est incessamment que l'on publie sur Ortega. Pensez qu'en 2023, il y a 10 titres en Espagne qui sont sortis sur Ortega. Je ne citerai pas les titres, mais je citerai ne serait-ce qu'une... Un énorme bouquin de 1200 pages, publié par un professeur à l'Université de Madrid, très connu, très apprécié par certains, critiqué par d'autres, José Luis Billacañas, et qui nous parle d'un Ortega y Gasset, une expérience philosophique espagnole. Et j'insiste sur ce thème expérience, parce qu'effectivement, la philosophie pour Ortega, j'en parlerai peu directement de cette philosophie, car je rappelle que je ne suis pas philosophe. Non, Béatrice Font, vous êtes professeure émérite de civilisation espagnole à l'Institut catholique de Paris. Voilà, c'est-à-dire que j'ai une formation à la fois d'historienne et de linguiste. Donc c'est un double rapport à l'œuvre d'Ortega, et c'est dans ce sens que j'irai. Et je ne me prononcerai pas sur la valeur philosophique. J'attends qu'en France, un philosophe s'y intéresse directement. Donc, je reviens sur cette affaire de l'expérience parce que, justement, en France, cette année, comme je viens de le dire, on s'y intéresse. Et l'histoire du titre, Penseur de l'Europe, vient justement de la situation de la France vis-à-vis de l'Espagne. Et je commencerai par faire un constat, un double constat. Tout d'abord, en France, on parle rarement d'Ortega, comme on l'a dit, et surtout, il n'est pas considéré comme un philosophe à part entière. Là, la difficulté. Et pour ma part, je pense que ce phénomène résulte de deux facteurs. D'une part, celui de l'histoire de l'Espagne du XXe, qui connaît de nombreuses fractures politiques. Je reprends là le titre du livre récent de Benoît Pellistrandi sur l'Espagne du XXe siècle, qui est à lire dans ce domaine pour véritablement comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et ceci crée inévitablement ces fractures, des clivages idéologiques dans le paysage intellectuel français. Et qui a tout fait, comme on le sait, de cataloguer un penseur comme Ortega, d'autant que à l'éclatement de la guerre civile, il a quitté son pays dans des façons très difficiles. Et pire encore, pour certains intellectuels, il y est retourné après la fin de la guerre civile. En 1945-46 En Espagne même, il y a mis les pieds en 1945. Ah, et en plein franquisme, oui. En plein franquisme, mais oui. Mais il n'y a, j'insiste, il n'y a jamais pris un domicile fixe. Son domicile fixe était à Lisbonne, au Portugal, et il y faisait des incursions systématiques en fonction des conférences, des rencontres, et puis aussi pour voir ses enfants, sa famille, évidemment. Donc, évidemment, il y allait. Mais il avait à cœur de garder un domicile officiel à Lisbonne. Bien, donc, en France, eh bien, on jugeait opportun, pour être aimable, de l'ignorer. Mais il n'était pas soutien du franquisme malgré tout, parce qu'il était de passage régulièrement en Espagne dans ces années 1950. Oui. Enfin, vous le dites, il revient en Espagne en 1945. Son rapport avec le franquisme ? Alors, son rapport avec le franquisme, là aussi, c'est très compliqué. Je veux dire par là, je dirais seulement ça et j'y reviendrai. Il n'a jamais officiellement, il ne s'est jamais officiellement déclaré pour le régime. Il a adopté ce qu'une universitaire française a appelé le silence. Depuis 1936, il a officiellement été silencieux à l'égard des uns et des autres. En sachant très bien que dans ses écrits se révèlent des convictions, des rejets, voilà. Mais disons que jamais, au grand jamais, il n'a fait une adhésion officielle au franquisme. Alors évidemment, on me dirait, ses deux fils se sont engagés sous les armées de Franco. Alors, on peut penser que ceci lui faisait-il plaisir ? Sa correspondance nous montre que pas forcément. Donc, restons prudents sur toutes ces choses. Il n'a pas participé à quoi que ce soit. Oui, il a fait quelques conférences, des conférences dans des lieux prestigieux. Mais il faut bien dire que la presse n'a absolument pas véritablement rendu le contenu de ces conférences. Ils se sont contentés de dire qu'effectivement M. Ortega y Gasset parlait officiellement, donc il y avait une forme de liberté, mais aussi ils n'ont jamais donné véritablement le contenu. Ils préféraient en faire, disons, un personnage distingué, de salon, qui bénéficiait de l'écoute des belles dames, des marquises et des comtesses, enfin bref, un homme de la com. Ce qui blessait véritablement Ortega, même si effectivement il avait dans les milieux élevés de très bonnes relations. Donc vous voyez, il faut être prudent dans tous ces comportements, on le sait aujourd'hui. Donc, oui, sur l'engagement et puis sur la période du franquisme, effectivement, ici nous avons quelque chose qui est bien difficile, et cette question de l'engagement, du départ, de l'exil, c'est une question douloureuse avec José Ortega y Gasset. On a vraiment ce personnage qui traverse l'histoire de l'Espagne dans ce premier 20e siècle, mais l'histoire aussi de l'Europe. Et on comprend bien pourquoi il a été mis de côté, Béatrice Fonck, vous nous le dites. Cette présence en Espagne sous le franquisme a pu le faire considérer comme quelqu'un trop proche du régime. Et vous nous avez dit aussi, considéré comme philosophe, mais pas entièrement philosophe. Pourtant, José Ortega y Gasset avait étudié Kant. Comme l'a dit Emmanuel Kant, un jour que, ayant éclusé un peu trop de raison pure, il en avait un sacré coup dans la métaphysique, toute chose finie n'est jamais entièrement achevée tant qu'elle n'est pas complètement terminée. Parole hautement prophétique, qui m'amène tout naturellement à vous rappeler, pour fortifier notre confiance dans les destinées de la patrie, et édifiant aphorisme du regretté conventionnel gréco-malouin Arnaque de Pédalos, tant que l'espoir demeure au niveau de l'espérance, il n'y a pas lieu de désespérer. Vive la France, vive la République, vive la nation, vive la Porte Dauphine, et salut les copains. Voilà, salut les copains, c'est Pierre Dac évidemment en 1964 qui évoque Emmanuel Kant. Non mais cette ouverture souriante avec Pierre Dac va nous permettre de réfléchir au parcours de José Ortega y Gasset. Comment un tel personnage en arrive à penser l'Europe? Pourquoi évoquer Emmanuel Kant en parlant de José Ortega? Alors, avant de vous répondre à la question, je dirais que d'abord que Pierre Dac est très sympathique et plein d'humour, j'aime beaucoup, mais je voudrais quand même parler de quelqu'un de très sérieux qui s'est occupé de lui, malgré tout. Et grâce à lui, peu à peu, l'intellectualité française a commencé à regarder de coin, mais beaucoup mieux, Ortega. Et je veux dire Raymond Aron. Raymond Aron. Raymond Aron, oui, Raymond Aron, en 1983. Voyez, la fameuse date, 40 ans, la date de l'anniversaire de la naissance d'Ortega et la date de la mort de Raymond Aron. 1883, la naissance d'Ortega. Voilà, et la date, et 1983, la date de la mort de Raymond Aron. Raymond Aron devait aller à Madrid pour parler d'Ortega. Et il a écrit un article qui est aujourd'hui publié dans la revue Commentaire, enfin aujourd'hui, qui a été publié dans la revue Commentaire. Et c'était lui qui rappelait justement que Ortega était un visionnaire, un précurseur de la pensée philosophique contemporaine et surtout un pionnier de l'Europe. Voilà mon titre. Armé du blanc-seing de Raymond Aron, et j'ai là trouvé une façon d'aborder Ortega qui permet de lui donner une certaine cohérence. Et c'est cette cohérence qui nous mènera à sa pensée philosophique. La cohérence de la pensée d'Ortega sur l'Europe me paraît être le chemin, l'itinéraire qui nous conduira un jour peut-être à dominer l'ampleur de toute sa philosophie. Oui, sa philosophie qui s'appuie sur Kant, parce que ses études le conduisent à étudier la philosophie allemande. C'est important, hein, tout ce qu'on dit là, parce que c'est aussi une réflexion sur ce qu'est l'Europe. Dans l'idée de la pensée européenne, on ne se limite pas à sa nation, en l'occurrence l'Espagne pour José Ortega. Il y a la pensée allemande qui l'intéresse beaucoup, ce sont ses études. Oui. Mais oui, je vois bien que vous voulez me faire parler de la pensée allemande, je vais en parler, mais je n'oublierai jamais la pensée française. Aussi. Dans son œuvre. Et mon ouvrage tient à le montrer. Car c'est très important. On oublie, bien sûr, et je vais parler de sa formation, ses origines d'abord. Parce que ses origines jouent beaucoup sur sa formation future. Ses origines sociales procèdent de la haute bourgeoisie madrilène. Il a tout pour réussir, il faut bien le dire. Et c'est un peu, bien sûr, ce qu'on lui reproche. Il a tout eu, donc c'est normal qu'il ait réussi. Bourgeoisie madrilène, parfaitement ancrée dans la société espagnole, dans à la fois le journalisme, la littérature et la politique. Tout. Et en plus, il était doué. Rendez compte. Alors, son père, que fait son père? Son père est un homme de lettres. Un homme rempli de la culture française, qui a lu toute la littérature française et qui a mis au service de son de ses enfants toute sa bibliothèque, sa belle bibliothèque. Et donc, cet homme de lettres, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige un journal libéral, qui s'appelle El Imparcial, l'impartial. Ce journal, bien, reflète les idées du parti libéral, qui fait partie des deux partis officiels de du régime de la restauration monarchique implanté en Espagne depuis 1876, qui met fin à des guerres civiles pendant tout le siècle, depuis l'interguerre d'indépendance contre Napoléon. Et il faut bien dire que depuis 1876, nous avons en Espagne un régime bipartidisme, monarchique, inspiré de l'Angleterre, et qui essaie tant bien mal an d'établir une sorte de stabilité, mais avec aussi tous les défauts d'un pays peu prospère, en retard, selon Ortega, et qui de fait en plus subit des défaites coloniales, et notamment 1898, la fameuse date, la perte des colonies, et donc la débâcle, l'isolement, etc. Donc Ortega, 1883, a 15 ans en 1898, donc il voit ce qui se passe, il est au courant, son père publie dans les journaux, et donc on parle que de ça chez lui, on reçoit tous les hommes politiques dans les salons de la maison, on est au courant, donc on s'instruit. Et évidemment, il est tellement doué que son père voudrait bien qu'il fasse de la politique. J'oublie de dire, en politique, il est bien armé de ce côté-là, parce que la femme de son père, c'est-à-dire que sa mère est aussi originaire d'une famille bourgeoise, de la haute bourgeoisie, et... Fille de ministre, quelque chose comme ça. Elle est la sœur. Sœur de ministre. D'un ministre libéral chargé du développement du territoire. Je traduis le titre autre, bien sûr. Donc, vous voyez, un homme occupé de développer le pays. Donc, il est dans cette ambiance. Il faut faire quelque chose. Et le parti libéral, avec le titre qu'il a, et à l'époque, n'oublions pas que le libéralisme, à l'époque, était une idée plutôt à gauche. Hein, il faut bien se mettre dans l'esprit de l'époque. Donc, eh bien, il faut développer l'Espagne. Donc, ça, c'est entré dans l'esprit. Et le père de Ortega voulait que son fils fasse de la politique. Et donc... Après ses brillantes études chez les jésuites, voilà que son père lui assigne de faire du droit. Mais Ortega, même s'il a parlé du droit plus tard, s'ennuie. Oui, parce que ici nous avons, et vous l'avez rappelé Béatrice Fonck, ce moment très particulier de l'histoire de l'Espagne où le pays est quand même chaos debout après la défaite face aux États-Unis en 1898, la perte de Cuba, la perte des colonies, c'en est fini de l'Empire. Et c'est dans ce monde, on peut le dire, de gens qui réfléchissent au devenir de l'Espagne qu'évolue José Ortega y Gasset. Mais d'ailleurs, pour lui, qu'est-ce qu'un Espagnol? La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia y a la vez este invento no puede ser caprichoso. El vocablo inventar... Ortega y Gasset, 1930. ...de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida, que solo entonces será la verdaderamente nuestra. Era preciso enseñarla a enfrentarse... La vie est, inexorablement, une invention. Nous devons nous inventer une existence, et cependant, cette invention ne peut être livrée au hasard. Voilà ce que j'ai tenté pour moi-même. J'ai accepté la circonstance de ma nation et de mon temps pour amener mon pays à s'appréhender lui-même. Cette tentative, il fallait la mener là où se trouve l'Espagnol, dans la conversation amicale, dans le journal, la conférence. En Espagne, pour persuader, il faut commencer par séduire. En Espagne, para persuadir, es menester antes séduire. José Ortega évoqué dans l'émission, José Ortega et Gasset, un spectateur dans l'Europe. Dites-nous, Béatrice Fonck, là, dans ce qu'on vient d'entendre, en écho à tout ce qui a été dit sur cette Espagne du début du XXe siècle, qui est en grande forme, il y a l'idée ici, de José Ortega, mais de nombreux autres, de redresser déjà l'Espagne. C'est vraiment quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Redresser, pas uniquement économiquement, hein, c'est pas vraiment la question. C'est aussi redonner le moral à l'Espagne. Oui, là aussi, il fréquente et est en même temps l'héritier de la fameuse génération de 98, hein, avec tous les grands écrivains de l'époque, principalement le plus connu en France, Unamuno, philosophe lui aussi, mais aussi Baroja, Azorín, Machado. Voilà des hommes. Et puis aussi un certain Maestu, moins connu en France. Mais ce Maestu est un homme qui l'a introduit à Nietzsche. Et qui l'a introduit aussi à l'Angleterre, à la pensée anglaise. Et de ce point de vue-là, on verra que sa pensée oscille un petit peu vers l'Angleterre à un certain moment de sa carrière. Mais revenons à l'Allemagne. Mais parce qu'on voit cette circulation, hein, vous l'avez dit, on a déjà de la France, de l'Angleterre et l'Allemagne donc. Les trois principaux pays sur lesquels il va véritablement réfléchir seront ces trois-là. Hein. Bien sûr, l'Italie viendra, mais l'Italie sera davantage regardée pour son apport artistique et avant tout en matière de politique et de sociologie, il s'intéresse à ces trois pays. Donc l'Allemagne. Revenons à l'Allemagne, parce que, effectivement, son père voulait qu'il fasse du droit. Il en a fait un petit peu pour lui faire plaisir, mais finalement, c'est la philo qui l'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une année à Deusto, encore chez les jésuites, et puis il va à Madrid, et là, il étudie la philo. Il termine à 21 ans sa carrière. C'est vrai qu'à l'époque, les carrières étaient différentes, mais il termine par quoi? Une thèse? Et je pense qu'on ne connaît pas ça, et ça s'appelle cette thèse « Les terreurs de l'an 1000, explication d'une légende ». Donc l'an 1000, le Moyen-Âge, cet an 1000 que on l'en a longtemps présenté comme ayant terrifié les gens, lui déjà montre que tout ça est à nuancer, à relativiser. Absolument. Et sans doute donc, à contredire. La question est, attention, qui l'inspire dans cette interprétation? Un certain Michelet. Le français, Jules Michelet. Le français, Jules Michelet. Ouais. Jules Michelet, qu'il lit. Il lit dans la bibliothèque de son père, bien sûr. Et donc, voilà un Jules Michelet qu'il étudie et qui lui donne le goût pour le Moyen-Âge, qui reviendra dans ses travaux. Donc, à partir de cela, qu'est-ce que l'on découvre chez lui? Le goût pour l'interprétation historique. Ça, c'est quelque chose qui le tient depuis le départ, parce que bien sûr, l'histoire de son pays le préoccupe, les historiens l'intéressent, et donc revoir les questions de l'interprétation, tout est là. Vous avez introduit tout à l'heure avec une citation sur l'histoire d'Ortega. Ortega a dit à un autre moment une phrase très intéressante qui va vous intéresser vous-même. Il dit « L'histoire est une technique de l'altruisme intellectuel ». C'est tout un programme. Parce qu'effectivement, l'altruisme intellectuel, c'est véritablement l'objet de son travail. Et c'est aussi une caractéristique qui est très développée en Espagne. Oui, parce que c'est la réflexion, et c'est vraiment intéressant de voir ce philosophe s'il réfléchit au Moyen-Âge, c'est pour comprendre évidemment, comme toujours, le présent, le sien et celui de ses compatriotes. Évidemment. Le présent est toujours présent. Mais présent, pas un présent pauvre, un présent toujours enrichi. Enrichi par le passé, parce que sollicité par le futur. Je pense que c'est la force de ce dont nous parlerons tout à l'heure, peut-être de cette fameuse raison historique. Mais cet enrichissement du présent par une dynamique entre le passé et le futur, je pense que c'est là la grande idée d'Ortega qui mérite d'être ratiociné, digéré, ressorti, pensé. Dans cette Espagne du début du XXe siècle, le passé est très présent. Hey, tengo a mi amante mala, Jesús, qué pena, Jesús, qué pena. Debajo de la hoja de la verbena, tengo a mi amante mala, Jesús, qué pena. Con calentura, debajo de la hoja del perejil, tengo a mi amante mala y no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir. Sensationnel, Pepe de Cordoba qui chantait La Stressora. Ce sont des chansons traditionnelles anciennes de l'Andalousie que le poète Federico Garcia Lorca a collecté, qu'il a retravaillé dans ces années 1920, au moment où vit José Ortega y Gasset, où il réfléchit, il y a ce mouvement, notamment porté par Federico Garcia Lorca, d'aller chercher une âme ancienne qui n'est pas incompatible avec une réflexion beaucoup plus internationale. On le voit très bien chez Federico Garcia Lorca, on l'a aussi chez José Ortega. Le souci de l'Espagne, mais l'Espagne sur son continent, toujours en lien avec les autres peuples d'Europe. On peut le lire comme ça ? On peut bien sûr le dire comme ça, parce que c'est la trajectoire qu'a suivie Ortega. Je viens tout vite sur cette phrase célèbre qui est « L'Espagne est le problème, l'Europe est la solution ». Il a dit ça dès 1910. Oui, il n'a pas attendu même la guerre de 14 et des penseurs de l'Europe des années 30. Donc oui, vos citations m'interpellent parce que, sans le faire exprès, je suppose, vous avez adopté au fond la forme d'éclectisme d'Ortega. Car c'est un éclectique, mais un éclectique qui cache sa cohérence par fierté. Et vous allez voir que je pense qu'il faut quand même parler un peu de sa personnalité, de cet homme. Il était comment, José Ortega ? Alors, évidemment, on a tendance à dire qu'en Espagne, quand on veut un peu se moquer de lui, on parle d'un philosophe de salon. Il est distingué, il est poli, il est bien habillé, chic. Il a même une voiture à un certain moment, alors c'était quand même un luxe. Puis alors, il avait l'humour de dire, oui, bon, bien sûr, on a une voiture en Espagne, mais c'est juste pour faire 20 km autour de Madrid, parce qu'après, il n'y a plus que des chemins. Mais malgré tout, il s'en servait de cette voiture pour faire des excursions, il emmenait des étudiants. C'était un magnifique professeur. Et il avait le sens, aujourd'hui, on appelle ça la transmission. Mais voilà un homme qui n'était pas uniquement un communicant, comme on dit aujourd'hui, mais un véritable homme de la transmission dans tous les domaines. Parce que c'était un homme qui aussi bien savait parler, comme on sait parler en Espagne, dans la tertulia, ces fameuses réunions informelles où on dit tout, on dit rien, mais on dit l'essentiel. Donc voilà un homme de transmission véritable qui parlait en cours, des cours, ses cours étaient réputés, on se bousculait pour y aller, ses conférences la même chose, et ce jusqu'à la fin de sa vie, il faut bien le dire. Donc voilà une personnalité, mais l'éclectisme, il n'aurait pas rejeté d'aller voir un flamenco, y compris un petit détail, puisqu'il a beaucoup vécu en Allemagne à la fin de sa vie, à Munich, il comptait même s'y installer, parce qu'il en avait assez un peu de l'ambiance espagnole, où il se sentait plutôt incompris, donc c'est dire. Et donc, il avait convié des amis et sa famille, parce qu'il vivait un peu seul là-bas en Allemagne. Bon, à la fin de sa vie, il était devenu un petit peu ronchon, alors bon. Mais là, il avait convié ses amis, sa femme, pour aller au carnaval de Munich. Et ils étaient tous habillés en espagnol d'Andalousie, voyez. Et Ortega portait le chapeau andalou, et les femmes avec les robes, avec les volants, etc., etc. Donc, le folklore n'était pas non plus rejeté pour sa part. Il trouvait que c'était important aussi de participer de ces traditions. Parce que c'est les traditions aussi qui nous permettent de vivre. Les traditions restent une expression du passé et qui font de nous des êtres à part entière. Donc, vrai, la personnalité d'Ortega, eh bien, il faut dire aussi que voilà pourquoi il est difficile à comprendre, parce qu'il pratique avec une certaine volupté jubilatoire une forme d'éclectisme qui nous déroute, nous, Français, bien organisés. Et ceci rend difficile de présenter sa pensée. Parce que, ne jamais oublier qu'il a une connaissance absolument encyclopédique, que nous lui envierions. Lui, il a de la mémoire. Il n'a pas besoin de la mettre dans une boîte. Internet, aujourd'hui, que ferait-il d'Internet? Lui qui savait tout, à tout moment. Une mémoire extraordinaire. Donc, encyclopédique sur la pensée européenne du monde entier. Et surtout, bien sûr, la pensée allemande qu'il avait étudiée. Pourquoi il l'avait étudiée? Pourquoi il avait décidé de partir? Il a fait 3 séjours. 2 petits séjours et un dernier séjour en 1911, où là il est resté presque une année, il était marié, il est venu avec sa femme pour y travailler, il a rencontré les néo-kantiens, non seulement les néo-kantiens, mais il s'est ouvert à l'ethnologie, à la sociologie, il a véritablement essayé de comprendre, et bien sûr de lire Kant, comme on l'a dit tout à l'heure, l'a dit Pierre Tac de façon humoriste, lui, véritablement, il s'est plongé dedans. Ouais. Il s'est plongé dedans et il s'est dit, mon Dieu, que de savoir, que de capacité d'organisation, comment transmettre ça à mon pays? Parce que tout ce que j'ai découvert, quand un Espagnol se trouve à l'étranger, c'est qu'on a l'air ridicule. Ouais, c'est ça aussi. Ridicule, pour se sentir ridicule. Alors, vous imaginez, cet homme est très fier. C'est un Castillan. Castillan, doublé d'Andalou, puisque sa mère était d'origine andalouse. Ils avaient à l'époque une maison à Córdoba. C'est pour ça que ses études primaires, il les a faites dans un collège jésuite à Malaga. Et que l'influence de la lumière, la philosophie d'Ortega est lumineuse. Elle est lumineuse à tout point de vue. C'est pour ça que l'espace est pour lui très important. L'espace et cette philosophie lumineuse est dotée de ce qu'il appelle lui et qu'il aime et dont il aime parler une perspective. La perspective qui va loin, puisque elle est en Espagne, elle va en Europe, elle découvre l'Amérique et elle revient en Europe armée de l'Amérique. Avec toujours cette réflexion sur l'Europe, Béatrice Fong, vous nous l'avez rappelé dans la civilisation espagnole, dans la lecture de l'histoire de la pensée espagnole, il y a ce système de génération, la génération de 1898 avec Unamuno. Et puis, pour José Ortega y Gasset, il y a cette génération de 1914. Pourquoi on l'associe à cette génération de 1914? Parce que sur une réflexion autour de l'Europe, la Première Guerre mondiale, bien sûr, doit être mise au cœur de cette pensée-là. Qu'est-ce que ça fait pour lui, la Première Guerre mondiale? Ça le pousse à encourager le dialogue entre les peuples? Alors, la Première Guerre mondiale, c'est quand même pour lui un choc. Mais en même temps, c'est pas une surprise. En même temps, ce n'est sûrement pas une surprise. Et vraiment, ses mémoires, il a écrit quelques mémoires à cette époque-là où il ne s'étonne pas. Il s'étonne surtout de l'enthousiasme de ceux qui vont à la guerre, parce que déjà, il dit qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un conflit qui va durer longtemps et qui va bouleverser le continent. Il le voit dès août 1914, ce qui n'est pas le lot de tous les Européens, bien et de loin. Donc voilà une vision, voilà un visionnaire, comme nous disait Raymond Aron. Et là, il voit tout de suite que le monde va véritablement changer, mais il l'avait déjà perçu du point de vue des idées, du point de vue du comportement, parce que il avait lu les romanciers français. Il avait lu Chateaubriand, il avait lu Balzac, il avait lu Flaubert, Stendhal. Il avait lu aussi un certain Paul Bourget. Et il en parle peu, mais j'ai retrouvé dans sa bibliothèque un livre qui lui avait été dédicacé par Paul Bourget. voyez. Ça veut dire qu'il connaissait cette littérature dont on dit qu'elle était un peu décadente, mais il connaissait Barrès aussi. Et il avait aussi bien perçu le fameux culte du moi. Le culte du moi qui était au fond une espèce de recherche de lutter contre ce sentiment de décadence qu'on avait déjà en France et qu'il avait perçu. Et dans le même temps, c'est ça qui est passionnant avec José Ortega y Gasset, c'est qu'il observe ce qui se passe autour de lui et notamment l'Europe qui change. Nous sommes, après la Première Guerre mondiale, à la toute fin des années 20. N'importe qui peut se rendre compte qu'il commence à se passer en Europe des choses étranges. Pour donner un exemple, je citerai certains mouvements politiques, tels que le syndicalisme et le fascisme. Qu'on ne dise pas qu'ils paraissent étranges simplement parce qu'ils sont nouveaux. L'enthousiasme de l'Européen, pour toute innovation, est tellement inné en lui qu'il lui a valu la plus trouble des histoires que l'on connaisse. Sous les espèces du syndicalisme et du fascisme, apparaît pour la première fois en Europe un type d'homme qui ne veut ni donner de raison, ni même avoir raison, mais qui, simplement, se montre résolu à imposer ses opinions. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Un extrait de La révolte des masses, l'ouvrage de José Ortega y Gasset, publié en 1929. Béatrice Fonck, j'ai envie de lui dire de manière provocante, mais en 1929, l'Europe se construit. En tout cas, il y a une proposition d'union entre les différents mouvements européens, mais c'est plutôt du côté des fascistes hein, qu'on va trouver ça, entre ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Allemagne, ce qui couve en Espagne. La guerre civile, c'est pas encore d'actualité à la fin des années 1920. La révolte des masses. Qui sont ces masses qu'évoque José Ortega y Gasset? Ah, ce mot masse, cet homme masse. C'est vrai que en France, c'est comme ça qu'on connaît Ortega. C'est l'homme masse. C'est véritablement lui qui a, je pense, lancé cette expression. Même s'il n'est pas le premier à parler de la foule, à parler des masses. Gustave Le Bon, qu'il cite peu, mais qu'il connaît. Il faut se méfier d'ailleurs avec Ortega. Il cite quelquefois peu des gens qu'il fréquente beaucoup. Mais Gustave Le Bon, effectivement, il l'a fréquenté. Et je dirais que son premier article, il a écrit à 18 ans, en 1902, et donc parle déjà des masses. Et il y a donc chez lui, d'abord, dans cette masse, l'idée de l'augmentation démographique de l'Europe. Ça, il est très préoccupé. Ça aussi, c'est important. Il est visionnaire, il comprend les conséquences que peuvent avoir cette augmentation de population sur le comportement des individus. Oui, parce que c'est ça, hein, c'est les masses au sens premier avec Gustave Le Bon qui est sociologue, donc qui réfléchit à la population. C'est ça. Mais chez José Ortega y Gasset, que deviennent ces masses? Alors justement, alors tout de suite, si on prend le titre « La rébellion des masses », alors tout de suite on pense révolution, terrorisme, on pense violence, on pense tout ça. On n'a pas tort, parce que effectivement, révolution, violence, on voit bien en Espagne ce qui s'est passé. Révolution, violence, on voit bien toutes les tentatives révolutionnaires qui ont eu lieu après la Première Guerre mondiale. Les renversements de régime, tous ces bouleversements. Donc, la révolution est au centre des débats, au centre des questions. On se demande si enfin ce monde qui a tout détruit, qui était porté à être l'exaltation de l'humanité sur Terre et qui a débouché dans des tranchées. Donc, quelle contradiction, quelle horreur. Donc, il faut révolutionner tout ça. Donc, la révolution était dans tous les esprits, à droite et à gauche. Donc, révolte des masses, donc on pense révolte. Mais Ortega ne pense pas ça. Et c'est pour ça que il me semble avoir fini mon livre aussi sur le terme rébellion. Parce que dans rébellion, il y a aussi la rébellion interne. La rébellion peut être aussi une résistance. Donc dans rébellion, il y a aussi résistance. Donc il y a toutes ces sortes de choses. Et ce qui énerve Ortega, c'est de voir le côté superficiel de la révolte. Il accepte la révolte, il la comprend. Lui-même se révolte contre ce qu'il voit. Mais il pense à une révolte qui puisse être positive et non pas la révolte pour la révolte. Voilà pourquoi la révolte pour la révolte, pour lui, eh bien, c'est celle de l'enfant gâté. C'est celle du ce qu'il appelle le señorito satisfecho, c'est-à-dire l'héritier qui dispense, qui dilapide son héritage et qui est incapable de mettre en valeur cet héritage. Donc, qui ne sert à rien, qui est inutile, qui ennuie tout le monde avec son faux pouvoir et qui étouffe tout le monde. Donc, l'homme mât, c'est l'enfant gâté. L'homme mât, c'est l'homme sans qualité, de Musil, par exemple. L'homme sans qualité. L'homme qui consomme. La consommation, il n'a pas. Donc, oui, l'Union de l'Europe, il est très sensible. Mais l'intérêt du fait qu'il y adhère, d'une façon à distance, toujours, c'est un homme de la distance, tout en étant très, très chaleureux, mais en distance. Et donc, pour lui, ce qui se passe, c'est que cet homme, l'Europe, ne pourra se faire que si on arrive à faire que cet homme européen devienne enfin un adulte. D'où l'importance d'ailleurs de tous les penseurs, la place qu'ils donnent à ceux et à celles qui réfléchissent plus que les politiques, j'ai envie de dire. Absolument. C'est d'abord la pensée qui lui importe en Europe. Et voilà pourquoi on a besoin de lui aujourd'hui. Donc, cette pensée, il la met au service de son pays. La pensée européenne, il la met au service, comme vous l'avez dit dans votre citation, il se met au service de l'Espagne, en se mettant, en communiquant son savoir, en essayant de le transmettre et de le faire digérer par ses auditeurs. Et comment le faire digérer? En l'ouvrant à tout ce qui s'y est pensé ici et ailleurs. D'où la presse, d'où la création des grandes revues comme la Revista de Occidente, fondée en 1923, donc 100 ans aujourd'hui. Elle est toujours dans les kiosques de Madrid, je le rappelle. Une revue qui tient 100 ans, c'est quand même pas mal. Et donc là, y participent tous les plus grands penseurs d'Europe dans tous les domaines de la culture, qu'ils soient sciences humaines et scientifiques. Les plus grands savants ont écrit dans cette revue. Les mathématiciens, les physiciens, Einstein, Schrödinger, Riemann, les mathématiciens, vous voyez, voilà un philosophe qui s'intéresse à tout ce domaine. Donc il y a le souci de mettre la science au cœur de la culture. Voilà, voilà une idée, voilà pour un homme, pour un philosophe, ce souci qu'il rappellera jusqu'à la fin de sa vie auprès des intellectuels européens à Genève en 1951. Il leur rappelle le rôle de la science parce que lui-même a vécu en Espagne ce manque de science. L'Espagne était, depuis l'époque moderne, s'est retirée de toutes les découvertes scientifiques. Et elle a perdu beaucoup dans ce domaine et elle a pris, pense-t-il, le retard à cause du manque de formation scientifique. Voilà pourquoi Kant d'abord et après les autres penseurs. Et puis, son origine familiale, comme vous nous l'avez rappelé, Béatrice Fonck, liée au monde de la presse, qui explique pourquoi José Ortega y Gasset fonde ses revues. Enfin, je veux dire, il connaît l'univers de la presse, il arrive à fonder ses revues, mais avec une vision qui dépasse le cadre national. Malgré tout, l'événement politique surgit. Comment réagit-il en 1936 au soulèvement de Franco, à ces fascistes espagnols qui cherchent à prendre le pouvoir? Comment il réagit à ce moment-là? Alors, comment il réagit? Ben, écoutez, malheureusement, je dirais, comme tout le monde. C'est pas très gentil pour lui qu'il ne voulait pas être comme tout le monde. Mais comme tout le monde, il a peur. Parce que, depuis plusieurs années, la violence est partout en Espagne. Les règlements de compte entre l'extrême gauche et l'extrême droite sont incessants. On parle de mort. Beaucoup de morts, d'un côté et de l'autre. On parle d'incendies, d'églises, l'anticléricalisme est très très fort. Il faut rappeler qu'Ortega était agnostique et qu'au début de sa carrière, il a vraiment milité pour une laïcisation de l'enseignement. Il y a été très sensible. C'est pour ça qu'au début de sa carrière, j'en ai parlé, il s'est rapproché beaucoup du Parti socialiste et que du point de vue politique, il avait une vision plutôt social-démocrate de la politique. Et donc, il a pratiqué une propagande assez laïcisante. Mais, justement, à un moment de l'avènement de la République, quand il y a eu une loi sur la laïcité en Espagne, il était un peu en retrait car il trouvait que les républicains allaient trop loin et qu'ils allaient créer automatiquement une agressivité parce qu'ils n'avaient pas oublié que l'Espagne était principalement l'héritière de l'Espagne tridentine, celle qui défendait le Concile de Trente contre le protestantisme et qui a toujours arboré cette vision-là de l'humanité. Donc, il savait que le travail était très lourd et qu'on pouvait pas, du jour au lendemain, transposer une laïcité Troisième République dans une Espagne qui était catholique depuis des siècles. Donc, il voyait bien le climat se dégrader. Et au lieu de s'ouvrir, comme l'était le titre de son journal, j'ai parlé de lumière, j'ai parlé de perspective, son quotidien le plus célèbre, qui a été le quotidien que l'on lisait jusqu'à la République, qui était El Sol, le soleil. Hein ? Le sol, c'est-à-dire la lumière espagnole, devrait permettre d'éclairer l'Espagne elle-même et d'éclairer, pourquoi pas, l'Europe. Car non seulement l'Espagne doit se régénérer, mais peut-être bien que l'Espagne, dans son histoire et dans sa tradition, a quelque chose à apporter à l'Europe. Ça, c'est quelque chose qu'il dit dans sa jeunesse et qu'il garde en lui toute sa vie. Même quand l'Espagne est au fond de tout, même quand l'Espagne est en pleine guerre civile, il continue d'écrire en faveur de cette vision-là. Et même pendant l'exil. Il travaillait toujours avec beaucoup de livres, de papiers. Et comme il n'était pas ordonné, il arrivait à remplir toutes les tables. Et il ne pouvait plus travailler parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, presque toute son œuvre a été écrite à la table de la salle à manger. Même à Paris, il faisait la même chose. Nous avions un appartement à la rue Gros, au coin de la rue La Fontaine, qui est le même, la maison est restée la même. Et le même numéro, ce qui est merveilleux de Paris, parce qu'en Espagne, à Madrid, on change toujours le numéro, le nom de rue, le 43 de la rue Gros, et toujours le même. Et là, à la salle à manger aussi, il travaillait. Parce qu'il était obligé, comme on devait manger, il était obligé d'enlever les livres, les papiers, il trouvait toujours la table livre, ce qui était pour lui merveilleux. Et parfois, quand j'étais déjà un peu grande, j'essayais de me tromper d'ordre, mais c'était presque impossible. Il me disait toujours, il riait, il me disait « tu as l'ordre géométrique et moi j'ai l'ordre vital ». Et il trouvait toutes les choses, lui, mais après sa mort, naturellement, l'ordre vital disparaît avec la vie. Alors il a fallu l'organiser comme ça, enfin il a fallu archiver, qui est une façon de tuer, n'est-ce pas ? Soledad Ortega, la fille de José Ortega y Gasset, qui s'exprimait. Exil pour José Ortega au moment de la guerre civile. Il vient rue Gros à Paris, pas très loin de la maison de la radio. Béatrice Fonck, ici, nous avons une évocation par sa fille de ce personnage. L'exil, vous nous l'avez dit, hein, il dure un certain temps, mais José Ortega revient régulièrement en Espagne. Il meurt en 1955. De sa vision de l'Europe, qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Tout ! Il reste tout parce que depuis ce matin, j'écoute vos émissions sur l'Espagne et vous avez interrogé les romanciers. Eh bien, le romancier qui parlait de l'Espagne faisait du Ortega sans le savoir. En Espagne, quand on parle de l'Europe, on fait du Ortega sans le savoir. C'est-à-dire que le succès finalement, je crois, de l'œuvre d'Ortega, c'est d'avoir inséré dans l'esprit espagnol, souvent malgré eux, parce que tous n'ont pas été des Ortegiens, loin de là, d'avoir inséré cette vision diverse de l'Espagne, de l'Europe, qu'ils vivent eux-mêmes dans leur propre diversité. Et on peut dire aussi que, par exemple, la Constitution espagnole d'aujourd'hui avait parmi ses penseurs des hommes qui étaient imbibés de la philosophie d'Ortega. Parce que lire Ortega dans une certaine classe de la société espagnole sous le franquisme, c'était un peu subversif. Et donc, lire des ouvrages sur l'Europe, même s'ils n'avaient pas été tous publiés à l'époque, mais il y avait quand même une grande partie, et la révolte des masses part de l'Europe, c'est bien évident. Donc, cette vision de la nation, et c'est ça qui me paraît très important, cette vision de la nation par Ortega, en tant que substrat dynamique d'une Europe qui l'alimente elle-même, par la pluralité de ces nations. Voilà une vision qui me paraît excessivement importante. Parce que si l'on doit penser l'Europe, je pense qu'il ne faut jamais la dépouiller de son acquis historique, qui sont les nations. Parce qu'il faut bien faut se dire que nous avons distribué ce concept au monde entier. Il ne faut pas l'oublier. Avec les biens et les maux de ce que représente la nation quand elle se transforme en nationalisme. Mais je le dis, Ortega n'était pas nationaliste, mais il défendait effectivement cet état de la nation. Donc, de ce point de vue-là, il est très important de voir cette défense qu'il fait dans l'Espagne invertebrada, c'est-à-dire l'archipel français. L'Espagne invertébrée, oui, c'est le titre d'un de ses ouvrages. C'est l'archipélisation, c'est la déstructuration de la société qui oublie qu'elle peut être une unité positive, une unité qui nous permet de vivre ensemble. Et en cela, il est actuel. En cela, c'est son actualité, parce que la réflexion sur la nation est une véritable réflexion de notre constitution et en quoi celle-ci peut nous aider à accéder à l'ultranation. Non pas la supranation, mais l'ultranation que pourrait être l'Europe si elle se reconnaissait elle-même. Si je dois terminer par quelque chose et son actualité, et de voir à quel point sa pensée est d'une modernité incroyable, je ferai une citation d'un professeur que j'ai eu dans ma jeunesse qui s'appelle Jacques Julliard et qui écrivait encore récemment dans le Figaro et qui avait parlé d'un titre. Il disait « L'Europe va-t-elle sortir de l'histoire ?» Et dans cette « Europe va-t-elle sortir de l'histoire ?» il disait la chose suivante qui nous ressemble à la pensée d'Ortega d'une façon absolument incroyable. Il disait la chose suivante. La question est de savoir si l'Europe n'est pas en train de sortir de l'histoire, si le monde n'est pas en train de se séparer d'elle en la vouant au tourisme et à l'archéologie, tout en la remerciant des services rendus. L'Europe de demain ne sera pas, comme avaient pu l'imaginer ses fondateurs, une fédération d'individus dépassant les nations qui la composent, mais selon l'esprit de Jacques Delors, une fédération des États-nations. Il faut même aller plus loin et affirmer que sans des nations solides et fières de leur identité, l'Europe elle-même ne serait que la masse molle et flasque vers laquelle elle tend aujourd'hui. Et ben voilà. Voilà ce qu'Ortega nous a dit à sa façon, à l'espagnol, et évidemment d'une façon beaucoup plus jolie, peut-être, et intéressante. José Ortega y Gasset, penseur de l'Europe, c'est le titre de votre ouvrage, Béatrice Font, publié aux Belles Lettres. Merci d'avoir placé ce penseur dans le cours de l'histoire pour réfléchir à ceux, à celles qui ont imaginé l'Europe. Merci vivement à vous. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi dit-on que l'attentat d'Orsini, en 1858, a marqué les débuts du terrorisme moderne? Le 14 janvier 1858, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie se rendirent à l'Opéra, qu'on appelait alors l'Académie impériale de musique, située au numéro 12 de la rue Lepelletier à Paris. Lorsque le couple arriva devant la porte d'entrée, trois explosions retentirent successivement, soufflant les vitres de leurs voitures, les becs de gaz et les maisons voisines. L'empereur et son épouse en sortirent indemnes, car leurs voitures étaient protégées par des plaques de fer. Mais cet attentat, commis par Felice Orsini, avec l'aide de 3 complices, fit 156 blessés et 8 morts. Il est considéré par les historiens comme le premier acte terroriste moderne, clôturant du même coup le cycle des régicides d'anciens régimes. L'acte criminel d'Orsini fut perpétré dans un contexte politique nouveau, dominé par l'exacerbation des questions nationales. En 1849, sous l'influence du Parti de l'Ordre, Louis-Napoléon Bonaparte, qui était alors président de la République, avait autorisé l'intervention des troupes françaises à Rome pour restaurer le pouvoir du pape, entravant du même coup le processus d'unification politique de l'Italie. Felice Orsini, qui était membre du mouvement Jeune Italie, fondé par Giuseppe Mazzini pendant son exil à Marseille, justifia son acte en affirmant qu'il avait voulu protester contre cette trahison, en exigeant que Napoléon III rende à l'Italie l'indépendance que ses enfants ont perdue en 1849 par la faute des Français. Cet attentat marqua aussi un tournant dans l'histoire du terrorisme, en raison de son impact médiatique. La presse avait pris son envol au cours de la monarchie de Juillet. Et malgré la censure exercée par le pouvoir impérial, elle fonctionnait encore comme un espace public où s'affrontaient les politiciens de gauche et de droite. Les conservateurs s'acharnèrent contre le crime d'Orsini en le présentant comme la conséquence du fanatisme des révolutionnaires qui prônaient le printemps des peuples. Sans justifier l'attentat, la gauche s'efforça de l'expliquer en rappelant que Napoléon III avait été lui-même un partisan du principe des nationalités. Jules Favre, l'avocat qui s'était publiquement élevé contre le coup d'État du 2 décembre 1851, accepta de défendre Orsini. Lors de son procès, il évoqua le souvenir de son père, qui avait été capitaine de l'armée italienne ayant accompagné Napoléon en Russie, à une époque où, ajouta-t-il, la cause bonapartiste était celle de l'indépendance des peuples. Sous la pression d'une opinion et d'une classe politique parisienne, profondément choquée par le nombre de victimes de cet attentat, l'empereur n'accorda pas sa grâce à Orsini, bien qu'il ait été tenté de le faire. Il fut guillotiné le 13 mars 1858 dans la cour de la prison de la Roquette. Cet attentat lui permit néanmoins de légitimer le tournant autoritaire de sa politique en promulguant une loi de sûreté générale qui confirmait l'acte de naissance militaire et autoritaire du nouveau régime. En Italie, Orsini fut présenté comme un martyr. À Pavie et dans d'autres villes de la péninsule, des messes furent célébrées pour honorer ce nouveau saint du calendrier italien. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Élise Leu. Émission préparée de manière brillante par Jeanne Delecroix, Toscane Viudèche, Jeanne Copet, Maïwenn Guizhou et Raphaël Laloum. Raphaël qui fut la voix de José Ortega y Gasset, d'Alfred de Musset ou encore de Voltaire. Raphaël à qui nous souhaitons bonne route pour la suite avec de vifs remerciements pour ce formidable travail, son passage dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.